C'est de ce sombre commissariat de province que sont arrivées les premières lueurs d'espoir. J'aurais pas misé un copec sur le cheval. Un jour, je suis tombé nez à nez avec le flic en civil qui m'a berçu à l'occasion de la tentative de suicide de Madame Roberts. Les arpions liés au-dessus du viaduc, un très mauvais souvenir. Le policier rentrait d'un congé maladie qu'il avait éloigné pendant 11 semaines. Une espèce de lombalgie. Ceci expliquait cela. Je ne saurais dire pourquoi, tout de suite, il a tenu à me recevoir dans son bureau et il m'a demandé comment j'allais. « Pas trop bien », ai-je répondu. « Oui, bien sûr, je suis au courant. » Ses collègues lui avaient raconté dans le détail la nuit de Noël passée dans une cellule de dégrisement. Et aussitôt, après mes intrusions incessantes dans les locaux, mes demandes répétées, agressives, de recherche concernant Madame Roberts, mon impatience et ma révolte. Il comprenait, mais rien de tout ça ne ferait avancer l'affaire d'un pouce. Un policier, me dit-il, ne peut agir sans une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction. Avant cela, une plainte doit être déposée auprès du procureur de la République, et ce dernier devra ouvrir une enquête judiciaire, laquelle sera confiée au juge d'instruction. Vous le voyez, on tourne en rond. Mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Nous allons y venir. Je me sens peu redevable en ce qui vous concerne. Pourquoi ça? Souvenez-vous, nous devions nous revoir à propos de son ex-mari, mais je ne vous ai jamais recontacté. J'ai traité cette affaire à la légère, une simple tentative de suicide comme on en voit disparant. Aujourd'hui, votre ami a disparu, et vous avez raison de dire que rien n'est fait pour la retrouver. Je viens de vous expliquer pourquoi légalement nous ne pouvons pas agir. Cependant, à titre personnel, et en utilisant les moyens qui sont à ma disposition, je peux vous aider. Vous feriez ça? Demandai-je. Oui. Mais avant, nous devons causer, monsieur Campagne. J'ai besoin d'informations, même les plus insignifiantes, vous voyez, ces petites choses que vous n'avez jamais dites à mes collègues, tout à votre colère. D'abord, vous devez me promettre de ne plus venir au commissariat. Je vous contacterai par téléphone, et nous nous verrons à l'extérieur, discrètement. Je promis tout ce qu'il voulut. Après cette entrevue, je quittai le commissariat avec l'impression de planer à 10 000. Enfin, les choses bougeaient. Monsieur Augier, c'est ainsi qu'il s'appelait, m'avait posé des questions qui me parurent pertinentes, concernant mon petit moineau défait, ses antécédents, son comportement, les moments passés ensemble, ses dernières paroles. J'eus le sentiment que certaines informations étaient éludées, comme s'il les connaissait déjà. Par exemple, il ne me questionna pas sur les rapports que j'entretenais avec Madame Roberts, s'ils étaient juste amicaux ou plus. Je sus pourquoi, un peu plus tard. Ce jour-là, je me souviens, fut léger à porter. Tout me sembla différent. La couleur du ciel, le bruit de la ville, le regard des gens que je croisais, et même mes mots de Madame Bron quand j'entrais à pas feutrer dans l'immeuble. Elle a grogné, mais je n'entendis qu'une voix amicale me saluer gentiment. Je suis allé frapper à la porte de M. Maréchal. Depuis le temps que je le bassine avec mes emmerdes, toujours à pleurnicher dans son gilet, le désespoir plein les godasses, et que je râle après le monde entier, monde pourri, et toujours la gentillesse en retour, l'écoute silencieuse, patiente. Il méritait bien de savoir la nouvelle en premier, M. Maréchal, et son épouse aussi. Mais j'arrivais trop tard. Lui et Augier se connaissaient depuis longtemps. « C'est un ancien collègue, m'avoua-t-il. J'étais policier 35 ans dans cette ville, en uniforme. J'ai fini brigadier. Nous avons parlé de vous, de vos problèmes. Il y a quelques jours seulement, car il était malade. Je ne le voyais plus. Je lui demandais s'il pouvait faire quelque chose. Il a promis. « Merde alors! Maréchal et Augier, deux potes. Deux anciens collègues dans la flicaille, c'était dingue. Les journaleux ne lisent pas que des menteries. Alors, dans cette petite ville, tout le monde se connaît. Vous croyez qu'il y arrivera? Ai-je demandé. Si votre ami est quelque part, il la trouvera. Il ne vous la ramènera pas. Il gardera confidentiel tout ce qui la concerne, c'est la loi. Mais il la trouvera et vous en fera part. Madame Maréchal servit l'apéritif, sans oublier les boudoirs un peu secs, et nous avons fêté cette première victoire. Oh, ce ne fut pas du grand chambardement, non. Ce fut bien mieux. Des petits mots en murmure discret, des regards pleins de lumière et le craquement des boudoirs un peu secs sous la dent. N'empêche, je n'ai pas osé lui dire au voisin que finir brigadier de police quand on s'appelle maréchal, c'est une injustice. Les jours suivants me parurent des éternités. J'essayais de tuer le temps de 1000 manières, rien n'y faisait. L'attente plombait tout, engluait le geste et la pensée. Pas moyen seulement de me concentrer sur un livre, une musique, une bagarre avec Welbeck. Et comble de poisse, Colette débarqua un beau jour. Bien sûr, elle m'avait prévenu, par lettre selon son habitude, puis au téléphone deux jours avant. J'avais oublié. Elle vit tout de suite ce qui clochait, Colette. Ce n'était pas sorcier. L'appartement était devenu un foutoir. Les fringues froissées chiffon, les joues pas rasées, les cheveux mal peignés, la carcasse costumée en clochard de Saint-Lazare. Elle a poussé les hauts cris, que j'étais sans volonté, que c'était bien la peine de se donner autant de mal pour aboutir à ce résultat, misère. Pas une fois, elle ne me demanda des nouvelles de Madame Roberts. D'ailleurs, avait-elle existé, cette Madame Roberts, ce petit moineau? On pouvait en douter. Jamais vu le bout du bec, jamais entendu son gazouillis. Ça devait être un fantasme du petit frère, associé par nécessité à son désir d'avoir de la progéniture, à plus de 60 ans. Je suis un peu fébrile, que j'ai prétexté, comme une migraine permanente, ce qui n'était pas loin de la vérité. Puis je l'ai raccompagnée à la gare. Entre-temps, elle avait remis à neuf l'appartement, cousu les ourlets, lavé une vaisselle de 3 jours et planqué un billet de 50 € sous le cendrier. Au moment du départ, j'aperçus au fond de ses yeux la détresse d'un navire dans la tempête. Je m'en suis voulu de n'avoir rien dit. Colette est une brave fille, elle fait de son mieux pour me servir de mère de substitution. Colette, c'est mon subutex, et je crois bien que sans elle, la vie serait moins opiacée. Jamais plus je ne suis retourné à la bibliothèque. S'il m'arrivait de m'en approcher, au hasard d'une maraude, en quête de mon petit moineau, je rebroussais chemin. Pour rien au monde, je n'aurais voulu revoir ne serait-ce que l'ombre d'un mur, l'ombre d'une pierre, la dorure d'un livre qui était autant de témoins immobiles mais remuants de notre première rencontre, quand tout était encore possible, quand tout annonçait l'ineffable. Une pluie diluvienne l'avait amené jusqu'à moi, sur un sol glissant, hérité de pavés moyenâgeux, et le froid de Noël me l'avait reprise, fait disparaître en un sale tour de magie. J'étais intimement persuadé qu'elle ne reviendrait pas ici avant longtemps. Avec Augier, nous nous retrouvions tous les 10 jours dans une brasserie du centre-ville, et c'était toujours le même rituel. J'arrivais souvent le premier, m'installais à une table, commandais un demi-pression, observais la salle. Lui me rejoignait, en retard sur l'horaire, prétextant un surcroît de travail, commandait un martini blanc, frappait la table du plat de la main, et déclarait triomphalement « Il y a du nouveau ». C'est étrange, mais il y eut du nouveau tout de suite. Pendant longtemps et jamais, ce nouveau n'apporta la plus petite raison de se réjouir ni d'être rassuré. Ayant contacté son ex-mari à Sainte-Lucie, l'ayant persuadé de demander une recherche dans l'intérêt des familles, Augier ne travaillait plus en mercenaire maintenant. Il avait les coudées franches et disposait de moyens supplémentaires, des moyens légaux. À ce propos, je me souviens de sa réflexion teintée d'ironie. Roberts, c'est le nom de son ex-mari, alors pourquoi l'avoir baptisé Welbeck lors de notre rencontre? J'ai répondu qu'à l'époque j'étais très malade, moi aussi. Il m'était difficile de lui expliquer les raisons de ma fixette sur l'auteur des particules. Madame Roberts s'était vue partout, de façon brève, comme une fulgurance. Elle semait des traces innombrables, mais si floues, si contradictoires, qu'elles n'aboutissaient jamais. Seul point positif, tout était circonscrit dans une zone de 50 km de rayon, sauf une fois où un signal fut émis de Toulouse. Elle avait subi, quelques heures seulement, une garde à vue à la gendarmerie de Mareuil, suite à la plainte d'un maraîcher. Sa carte bancaire, que nous avions remis en fonction, elle et moi, au cours de sa grosse déprime, avait été active quelques semaines, puis plus rien, silence total. Nous en déduisîmes qu'un distributeur l'avait avalée. On avait contrôlé Madame Roberts, sans titre de transport, sur un court trajet entre Combourg et Rennes. C'est moi qui apportais l'information à Augier. J'allais régulièrement à son appartement du premier étage, dont je possédais la clé, espérant toujours y trouver une réponse. Je ramassais le courrier dans la boîte, le triais, et au milieu des factures qui continuaient de s'accumuler, je vis un jour l'amende expédiée par la SNCF. Elle était accompagnée d'un rappel, moins sévère, de la bibliothèque, à propos d'un livre emprunté jamais rendu. Il s'agissait d'une biographie du Padre Pio. J'ai cherché vainement le livre. Je fis part de mes trouvailles à Augier. Il s'en réjouit. Le rappel de la bibliothèque est sans intérêt, dit-il. Mais l'amende nous confirme qu'elle est toujours dans le coin et qu'elle bouge sans cesse. Pourquoi faire? Puis il revint au bouquin emprunté. Ce Padre Pio, vous pensez que ça pourrait nous aider à y voir plus clair? Je ne voyais pas très bien comment la biographie du Padre Pio pouvait nous être utile. D'abord, qu'est-ce que ce Padre Pio? Interrogea-t-il. Question à 10 balles. Je crois vaguement, très vaguement, me souvenir, dis-je, que le personnage, un ecclésiastique italien, possédait le don de bilocation. Il pouvait être à deux endroits en même temps. C'est une grâce accordée aux grands mystiques, avec les stigmates et autres bizarreries. À bien y réfléchir, et si l'on s'en réfère au déplacement de votre ami, il y a une étrange similitude, vous ne croyez pas ? Je crus plutôt à une plaisanterie. Il n'en était rien. Le regard d'Augier exprimait le sérieux et la gravité d'un garde suisse. N'empêche, il me revenait en séquence les belles soirées que nous passions elle et moi, ainsi l'un en face de l'autre, elle parlant à Florine interrompue, d'une voix douce, presque en chuchotement, moi, l'écoutant, buvant ses paroles, admirant ses fines lèvres roses, émerveillé comme devant un miracle, grappillant ici et là, quelques minutes de communion, son regard dans le mien, une lueur furtive, trop furtive pour être saisie, plus fuyante qu'une truite sauvage, et c'était comme autant de fausses alertes, de déconvenues. Trop tard, mon amour, trop tard. Elle était ici, devant toi, et elle est ailleurs, Madre Pia. Un jour, le flic et moi, sur sa demande, nous avons débarqué à l'appartement de Madame Roberts. Première fois qu'il venait au Gier, il voulait tout mater, retourner chaque tiroir, feuilleter chaque livre. J'avais beau lui expliquer que j'étais passé avant lui, sans compter les heures ni la peine, il voulait rien entendre. À l'école de police, crut-il bon de m'expliquer, on nous apprend qu'une bonne perquisition est pour moitié dans la réussite d'une enquête. Ben voyons. Il a tout débridé, le frigo, l'aspirateur et même un vieux poste de radio qui ne fonctionnait plus depuis un bail. Je lui ai raconté comment un jour, elle avait failli posséder un réfrigérateur ultramoderne, un bidule qui fait des glaçons à la demande, qu'il s'en était fallu de presque rien, un peu de fric à la livraison, pour que le frigo fût sa propriété. J'étais ému aux larmes. J'avais soif. Je commençais à trouver le temps long. La poussière voletait sous les mains fouineuses d'Augier qui ne s'occupait pas de moi, encore moins du fabricant de glaçons. Je l'observais à la dérobée. J'étais étonné de le voir si acharné dans la recherche d'éventuels indices, et plus étonné encore d'être là, en présence d'un flic, sans ressentir aucune crainte, presque heureux même. Depuis toujours, je croyais qu'il existait deux camps ennemis à jamais irréconciliables par nature, les flics et les mecs à la marge, dont je faisais partie, et j'avais mis longtemps pour apprendre à me tenir dans mon camp, ne jamais déborder. Aujourd'hui, je n'étais plus sûr de rien. 3 heures plus tard, Augier me fit signe que nous pouvions sortir. Il avait vu tout ce qui devait l'être, et quand je lui demandais s'il était satisfait de la fouille, il ne répondit rien, me regarda d'un air mystérieux, une lueur de malice dans les quinquets. J'insistai. De sa poche, il extirpa une feuille volante pliée en quatre. C'était un prospectus, imprimé en couleur, ce genre de publicité que l'on trouve fréquemment dans la boîte aux lettres et que l'on jette aussitôt. « L'autre jour, me dit-il, vous m'avez parlé du projet de votre ami concernant un potager bio. Une information parmi beaucoup d'autres, mais qui a retenu mon attention. Le voyage au Mali, la récupération de sa fille à Sainte-Lucie sont des projets importants, mais en contradiction avec sa présence dans les parages. Rappelez-vous les indices dans un rayon de 50 km. L'achat d'une imprimante 3D peut être éliminé pour des raisons financières, tandis que le potager bio reste à la portée de quiconque veut s'en donner les moyens. Ce prospectus, monsieur Campagne, propose une formation gratuite à la culture biologique, en échange de quelques heures de travail quotidien au sein d'une ferme. Une ferme qui vient de se créer, dans la plaine de Taden. Nous avons l'adresse, le téléphone et le mail. Pour moi, c'est une piste sérieuse, en tout cas plus sérieuse que les autres. J'étais moins optimiste. Sans vouloir vous contrarier, dis-je, des prospectus comme celui-ci, nous en recevrons tous les jours. Oui, me coupa-t-il, mais elle l'a gardé. Dans la rue, il me serra la main. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Je rentrai chez moi, le dos courbé, un peu plus accablé encore. Les investigations entreprises par Augier, depuis maintenant 6 mois, n'avaient rien apporté de vraiment concret en dehors du fait, presque certain, que Madame Roberts était vivante et survolait la région en tous sens, tel un papillon insaisissable. Mais c'était une certitude fragile, affublée d'un presque, une certitude pouvant éclater en miettes à chaque instant. On la voyait ici, puis on la voyait là, et entre ces deux instantanés, les jours s'écoulaient, impossible à retenir. Une crainte effroyable me serrait le cœur. Puis encore plus faiblement, puis plus rien. Ce serait le dernier.